Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous, qui est consacrée traditionnellement à un magazine sur les droits humains avec la Ligue des droits de l'homme de Remiremont des Environs, et puis bien sûr, présidée par Christiane, qui est là. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis aujourd'hui, nous avons pour invité le docteur Jean-Joseph Maglia, addictologue qu'on a déjà reçu dans les studios d'RGM. Une fois, juillet, deux fois, je ne sais plus. Oh, plus, juillet, plus que ça. La dernière fois, puis autrement, c'était il y a deux, puis, trois ans. Et puis d'ailleurs, avec, en compagnie de Jean Tisserand, en particulier, pour un magazine santé. Alors, l'addictologie, je crois que c'est quand même assez vaste. Hein, comment qu'on peut la définir déjà? Tu rappelles un petit peu ce que tu disais racine, dans des émissions précédentes? Oui, la racine du mot addictologie, c'est la perte de liberté. Hein, donc, effectivement, souvent les gens voient l'addictologie arriver quand les gens sont dépendants. Hein. En fait, l'idée, c'est effectivement de soigner les gens qui sont dépendants. Donc, par rapport au tabac, dans quelle mesure est-ce qu'on est dépendant? En fait, on sait que les femmes deviennent globalement plus dépendants à la nicotine que les hommes. Après, à partir de quand? Alors, nous, on a l'image, par exemple, des femmes enceintes pour qui c'est quand même important, donc même urgent d'arrêter de fumer. Et on voit parfois donc des jeunes femmes qui finalement pour la première grossesse arrivent à se libérer du tabac assez facilement, la deuxième un peu plus difficilement, et puis finalement n'y arrivent pas à la troisième grossesse. Hein. C'est-à-dire qu'on voit la dépendance s'installer. Alors des jeunes peuvent arrêter quand ils veulent, ils peuvent aussi plutôt ne pas commencer, c'est ça l'idéal quand même, hein. D'où l'objectif en particulier de l'augmentation du prix du tabac, enfin etc. Et puis, le plus vite on s'en sauve, mieux c'est. Hein. Donc, pour ce qui concerne, par exemple, l'alcool, eh bien, on sait que dans une société qui consomme de l'alcool, comme la nôtre, il va y avoir des conséquences liées à la consommation d'alcool, des conséquences sociales, des conséquences sur la santé, et les deux ont leur importance et leur coût social d'ailleurs. Et on sait que globalement, il va y avoir peut-être à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, 30% des consommateurs d'alcool qui auront un jour une conséquence. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être une chute, ça peut être un conflit familial. Enfin, il y a plein de conséquences possibles. Hein. Sur la santé également. Et donc, il y aura 10% qui vont avoir un problème sur la santé, de la consommation de l'alcool. Hein, et puis, il y en a 1% qui vont devenir dépendants. Donc là, une fois qu'ils sont dépendants, ils ont perdu la liberté de consommer ou pas consommer de l'alcool. Hein, ils sont obligés. Et s'ils veulent ne pas en consommer, une fois qu'on est au stade de dépendance, on est obligé de prendre un traitement. Sinon, il y a des risques importants sur la santé aussi. Hein. Donc l'arrêt brutal de l'alcool chez des gens qui sont dépendants, ça fait apparaître des tremblements en premier. Et puis, ça peut aller au délirium tremens, enfin, etc. Et des crises d'épilepsie avec effectivement des risques importants sur la santé, en particulier on a parfois donc effectivement à l'hôpital des gens qui quelque part ont grillé leurs neurones lors d'un sevrage parce que le cerveau qui est dépendant de l'alcool, quand il en a plus, c'est comme un orage brutal dans le cerveau qui est destructeur. Hein. Donc du coup, il faut absolument des médicaments pour ces gens qui sont devenus dépendants. Dans d'autres produits... Et les médicaments de substitution? Alors c'est pas de la substitution, puisque là c'est des médicaments calmants, tout simplement, pour calmer le cerveau. Et parfois on est obligé... par exemple, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui à l'hôpital, Donc, pour ce qui concerne l'alcool, dans les patients que je vais voir, puisque c'est mon travail d'aller voir les gens quand ils sont hospitalisés en rapport avec leur ou pas avec leur consommation, mais quand ils sont consommateurs. Donc, aujourd'hui, il y a un patient, par exemple, qui a 53 ans. Hein, donc, 53 ans, c'est jeune maintenant. À une époque, les gens disaient à 55 ans, si je meurs, ça fait rien, j'ai fait ma vie. Hein, à l'époque, les régimes de retraite étaient florissant. Et maintenant, 53 ans, c'est jeune. Eh bien, ce monsieur-là, il va mourir, en fait, des conséquences de l'alcool. Il a une cirrhose avec... il va mourir des conséquences de l'alcool. Il a été trop loin dans la consommation, alors il a été dépendant aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a deux autres personnes, donc une dame de... Alors, je ne sais plus exactement, elle est née en 74, ça fait quoi ça? 46 ans. Voilà, donc qui est passée par la réanimation parce qu'elle a fait un arrêt d'alcool, et puis donc elle est partie dans un délirium, il a fallu l'endormir, en réanimation, elle a fait 15 jours, 3 semaines de réanimation, et là elle n'a pas encore recouvré tous ses esprits, on ne sait même pas si elle va vraiment recouvrer toutes ses capacités. Hein. Donc ça, c'est notre quotidien de l'alcool. C'est assez fréquent que ça arrive à des extrêmes. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des gens, il y a un autre qui est à peine plus âgé. Lui, il a consommé de l'alcool depuis déjà des années et des années, même s'il est encore jeune, hein, parce qu'entre 18 ans, parfois, il y en a qui commencent à 14 ans. Il a pu maintenant, il a 55 ans, sa famille est en train de mettre en place ce qu'on appelle les mises sous protection, hein, parce qu'il est plus capable de se gérer, parce qu'il a grillé ses neurones, capable, voilà, tout à fait. Donc après, il y a tout un tas de conséquences, l'alcool fait partie de notre société, mais il a des conséquences importantes. Comme je disais tout à l'heure, il y a 40 ans, quelqu'un qui mourait à 50 ans, c'était acceptable. Hein, maintenant, ça ne l'est plus. Quelqu'un qui, à 50 ans, perd la tête, n'est plus capable de se gérer, et on est obligé de chercher des dérogations, etc., pour le mettre dans un EHPAD. Donc, à l'époque, on mettait les gens en maison de retraite. À 50 ans, c'était encore pas trop choquant. Les gens qui y étaient avaient une soixantaine d'années. Maintenant, les gens qui sont en EHPAD ont 80, 90 ans. Quelqu'un de 50 ans qui s'y retrouve, c'est quand même choquant. Parce qu'il est dépendant. Et intolérable même. Oui. Intolérable. Parce qu'il devient dépendant. Parce qu'ils ne sont plus capables de gérer leur vie, parce qu'ils ont abîmé leur cerveau. Donc c'est des cérébraux lésés, quelque part. Et puis la dépendance arrive beaucoup plus vite avec d'autres produits. Le produit, c'est effectivement les drogues dures. Les drogues dures, c'est en premier l'héroïne qui, en fait, rend dépendant très vite. J'ai connu une maman qui m'a amené son jeune fils de 16-17 ans, qui avait voulu essayer, parce que les jeunes, ils veulent toujours tester. Donc, il avait voulu essayer pour se rendre compte lui-même si l'héroïne rendait dépendant si vite que ça. Et en fait, il a pris l'héroïne tous les jours pendant une semaine et il était dépendant. Donc, il n'a pas pu s'en sortir. Autrement, cette fois, comme tu disais tout à l'heure, que par un traitement de substitution. Donc là, il existe un traitement de substitution. Donc, je dirais que le maximum pour moi de l'épidémie d'héroïne, c'était il y a 30-40 ans. Enfin, c'est des jeunes qui ont maintenant une quarantaine d'années. C'était dans les années 90-2000. À partir d'un certain moment, on a eu cet outil qui était les traitements de substitution, qu'il n'y avait pas avant. Il y a 40 ans, il y avait déjà des toxicomanes et ils finissaient tous mal leur vie. Dans les années 90, les traitements de substitution sont arrivés. Et donc là, on a pu les aider à se libérer de cette dépendance. Prendre un traitement de substitution, c'est ne plus se libérer de la dépendance, retrouver la liberté. Retrouver la liberté d'avancer ou de ne pas avancer. Une fois qu'on recouvre cette liberté, après, c'est le parcours individuel. Donc il y a des gens qui, effectivement, se sont retrouvés dans l'héroïne parce qu'ils avaient un passé qui avait été très compliqué, des choses à régler, et finalement ça, bah, soit ils arrivent à le régler, soit ils n'arrivent pas. Hein. Donc après, le succès, il n'est pas garanti. Hein. C'est une question de capacité personnelle, hein, que, par rapport à des choses qu'on a reçues souvent dans l'enfance ou qu'on n'a pas reçues, et ce vide restera là toute la vie. Hein. Donc, et puis, éventuellement, que peut faire la société, l'environnement, mais de toute façon, à tout moment, c'est les choix individuels. Hein, les choix individuels, je choisis de, face à un obstacle, de choisir la facilité de l'enfermement et de la fuite, hein, qui est toujours une impasse, ou alors j'affronte les choses, je me fais aider, et je prends autour de moi ce que la société me propose. Réussir à se libérer. Voilà. Hein. Après, donc. Avec quel succès, c'est quoi ? Alors, le succès, j'ai pas de. Enfin, voilà, il y a des gens qui s'en sortent pas de toute leur vie. Hein. On sait que quelqu'un qui consomme d'héroïne, globalement, sa vie s'arrête. Hein. Moi, j'ai des gens qui arrivent à 40, 45 ans. Finalement, en fait, ils n'ont rien construit de leur vie, alors qu'ils devraient être à l'apogée de leur vie. Hein, ils n'ont rien construit. Alors après, avec un traitement de substitution, maintenant, les gens peuvent aller travailler, etc. Mais ils ont la liberté de consommer ou pas consommer, comme je disais tout à l'heure. Donc, du coup, c'est aussi la liberté de continuer à fréquenter les mêmes personnes et, du coup, de vivoter sans vraiment avancer. Hein, mais ils ont la liberté de faire ou pas faire. Après, c'est leur choix. Hein. Après, il y en a qui s'en sortent très bien. Hein, quel pourcentage, c'est difficile à dire. Hein, parfois, il y a des jeunes qui... Tu as des exemples en mémoire ? Oui. En fait, en ce moment, là, je vais partir en retraite. Donc, du coup, il se trouve que, pour l'instant, personne ne me remplace. Donc, tous les patients que j'avais, en ce qui concerne les traitements de substitution pour l'héroïne, tous les patients que j'avais, je les ai fait passer en ce qu'on appelle des relais vers les médecins traitants qui doivent poursuivre les choses. Hein, parfois, tout le reste de la vie des gens. Hein, c'est comme un traitement pour l'allergie ou je ne sais quoi, finalement. Voilà, enfin, je veux dire, tant qu'on est en risque de rechute quelque part, et on peut considérer que ça peut être toute la vie, quelque part, on a besoin de garder son traitement de substitution, hein, qui pose aucun problème pour la santé, c'est juste un filet à la patte, puisqu'il faut aller voir le médecin tous les mois, et puis prendre ça tous les jours. Hein, donc, mais autrement, on peut développer tout à fait sa vie, il n'y a pas de problème. Donc, parmi ces patients, il y en a quelques-uns qui disent, finalement, j'avais l'habitude de venir vous voir, là, vous n'êtes plus là, mon médecin, il n'a pas envie de s'occuper de ça, parce que ça, c'est un gros problème aussi, donc, parce que maintenant, avec la pénurie de médecins, les médecins, ils choisissent aussi leurs patients, est-ce qu'on arrivera un jour à des médecins qui voudront plus de personnes âgées, plus de diabétiques, plus de ceci, plus de cela. Est-ce que le médecin traitant est véritablement informé, formé pour faire face à ça ? Les jeunes médecins sont censés être plus formés que les anciens, et on constate que les anciens médecins prenaient en charge les traitements de substitution parce qu'ils considéraient que c'était leur patient et qu'ils n'avaient quelque part pas vraiment... Enfin, je ne posais même pas la question du choix, puisqu'en fait, ils les prenaient en charge comme tous les patients de leur entourage, enfin de leur village, ou... alors que les jeunes maintenant... Donc, eux revendiquent la liberté de prendre, pas prendre, d'organiser leur vie et de ne pas être dépendant de leur... moi, je suis d'une génération où j'ai l'habitude d'avoir tout le temps le téléphone allumé. Quand quelqu'un m'appelle, je dois pouvoir répondre. C'était comme ça, les médecins de ma génération. Oui, maintenant, non, le portable est éteint, on répond de telle heure à telle heure. éventuellement parfois par un central téléphonique qui est au Maroc, enfin, etc. Hein, voilà. Donc du coup, parmi ces patients, il y en a quelques-uns qui décident d'arrêter leur traitement parce que finalement, pour eux, ça paraît difficile de basculer sur leur médecin traitant, ou parfois ils n'en ont pas et c'est très difficile d'en trouver un, que ce soit Épinal ou Remiremont. Peut-être aussi qu'ils ne trouvent plus cette intimité qu'ils avaient pu créer avec vous. Tout à fait, oui, oui, aussi, tout à fait, bien sûr, ça, bien sûr. Donc la relation, effectivement, est quelque chose de très important, la relation thérapeutique entre un médecin et son patient, ou d'autres types de relations d'accompagnement. Hein, l'accompagnement dans la dictologie est quelque chose d'essentiel. J'ai eu, par exemple, il y a quelques jours, un patient qui a 25 ans. Voilà, est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a commencé l'héroïne à 16-17 ans? Est-ce qu'on peut s'en sortir à 25 ans, c'est-à-dire après un parcours de 5, 6, 8, presque 10 ans, hein? Eh bien oui, lui, il s'en sort. Hein? Il a décidé d'arrêter son traitement. Alors, est-ce que c'est raisonnable ou pas? En tout cas, c'est son choix. Et je l'ai prévenu que, voilà, une fois qu'un patient qui est dépendant de l'héroïne arrête son traitement de substitution qui est un analogue des opiacés, et ben du coup il est plus habitué aux opiacés. Donc si jamais il doit rechuter, ben, il risque de faire une overdose. Hein. Donc il faut qu'il soit bien prévenu. C'est un choix. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de parents qui ont des enfants qui ont des traitements de substitution me disent bah oui mais quand est-ce qu'il arrêtera son traitement, etc. Ben voilà, je leur explique. En fait, moi j'ai un patient qui a arrêté son traitement de substitution. Il a reconstruit sa vie, travail, vie de couple, un bébé. Et en fait, un bébé, ça fatigue, tout ça. Donc un soir qu'il était un peu fatigué, il se sent un peu pris la tête, il est allé consommer de l'alcool. Sous l'emprise d'alcool, il n'avait plus tout à fait les facultés de raisonner, de faire attention. Il est allé chez quelqu'un qui avait de l'héroïne, il a reconsommé l'héroïne, il est mort d'une overdose. C'est juste un gâchis énorme. Oui, hein. Après 10 ans d'accompagnement, de traitement, d'efforts, il a tout gâché en un instant. Donc, pour les parents ou les compagnons ou compagnes de personnes qui ont un traitement de substitution, il faut vraiment avoir ça en tête et se dire que peut-être que c'est beaucoup plus simple de garder le traitement de substitution toute sa vie et d'assurer les choses, parce que rien n'est jamais acquis. Hein, donc le risque de rechute est toujours présent. Alors quand c'est un fumeur qui rechute dans le tabac, c'est pas forcément toujours si dramatique, bien que à l'issue de la rechute dans le tabac, il peut y avoir un infarctus ou des choses dramatiques aussi. Hein. Voilà, quand c'est la rechute sur l'alcool, parfois c'est les conflits conjugaux, c'est l'agressivité, c'est tout un tas de conséquences. Hein, quand c'est sur la rechute sur l'héroïne, c'est encore la même chose aussi. Donc c'est un peu... Alors l'héroïne a un peu moins bonne presse maintenant parce que tout le monde sait que ça rend dépendant et que ça détruit la vie. Donc, le plus terrible qui arrive, c'est la cocaïne, en fait. Hein, la cocaïne qui... finalement un peu bonne presse à travers les milieux artistiques, les vedettes, etc. Ouais. Alors que ça correspond très bien à notre société où quelque part les gens cherchent à se dépasser, à toujours aller vers la performance. Donc quelqu'un qui prend de la cocaïne, on les reconnaît très bien. Ils sont un peu surexcités, ils dorment plus parce que donc du coup ils se considèrent comme Superman, hyperactifs, surpuissants. C'est une sensation qu'il faudrait jamais connaître parce qu'après on a envie de la reconnaître de nouveau une autre fois. Hein. C'est ça le problème. Hein. Une fois que le cerveau a enregistré une expérience, il ne l'oublie jamais. Et ça, c'est ça qui est terrible avec les produits. Et donc ça, c'est ce qui nous arrive. Avec la consommation de cocaïne qui s'est beaucoup démocratisée, maintenant on en trouve partout, et c'est en fait de la cocaïne qu'on utilise en la basant avec du bicarbonate ou avec de l'ammoniac, et c'est en fait le crack de la région parisienne d'il y a déjà 20 ans qui nous arrive maintenant dans les Vosges, partout. Il y a des consommateurs de crack, hein, et ça c'est terrible parce qu'il n'y a aucun traitement de substitution. Hein, alors les gens disent ça rend pas dépendant. Bah oui, effectivement. C'est une consommation sous quelle forme ? Alors, eh bien, en fait, c'est dans des pipes et puis ils respirent la vapeur hein, en faisant chauffer. Quand on chauffe, ça craque. Et c'est ça qui donne le nom du crack, en fait. Donc avant, la cocaïne était utilisée comme l'héroïne, sniffée, injectée parfois, avec effectivement les risques de l'injection, parfois rarement fumée. Mais maintenant, donc, elle est fumée, on va dire fumée ou inhalée, hein, en fait. Mmh. Les pipes à crack, on peut trouver ça sur Internet, hein, où on peut trouver des images. Mais en tout cas, c'est une catastrophe qui touche toutes les Vosges, en fait, hein, comme tout le pays entier, d'ailleurs. Hein, et le souci, c'est qu'en fait, au début, les gens se disent « je peux faire une fois, et puis c'est pas grave, je suis pas dépendant ». Alors, c'est vrai, hein, et c'est le danger, parce que comme quelque part, on pense qu'on va pas être dépendant, on s'autorise. Hein. Et puis, en fait, cette sensation de surpuissance est liée à la libération d'endorphines dans le cerveau qui, derrière, automatiquement, va se retrouver avec un vide. Hein. Et ce vide est difficile à vivre. C'est une dépression très, très difficile à... Et donc, du coup, la seule idée, en fait, du cerveau, ça va être de retrouver du produit tout de suite. Hein. Donc, du coup, le problème des consommateurs de crack, c'est ça. Hein, et on les connaît très bien, parce qu'en fait, c'est dans... une dépendance. Alors, c'est une dépendance psychologique très forte. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de dépendance physique, hein, mais en fait, une fois que les gens ont consommé leur crack, dix minutes, un quart d'heure après, ils vont avoir qu'une seule pensée, ça va être d'en retrouver pour supprimer leur mal-être, hein, parce qu'il y a un tel mal-être au décours de la consommation. Et ça, c'est terrible, parce que donc, les gens en arrivent... des fois à tout perdre parce que effectivement alors il y a quelques années il y a 10 ans je dirais que la consommation de cocaïne était un problème chez les gens qui avaient beaucoup d'argent. Les gens qui n'en avaient pas beaucoup, ils consommaient un jour et puis ils n'avaient plus de sous, c'était fini. Ah oui. Mais les gens qui avaient beaucoup d'argent, moi j'ai connu une jeune fille qui était directrice de je ne sais plus quoi, une place où elle gagnait beaucoup d'argent. Hein, en un mois, elle a tout perdu, en fait, hein, parce que donc tout son argent est passé dans la cocaïne. Et en un mois, en fait, sa mère l'a récupérée dans la rue, elle avait perdu son travail, elle avait vendu sa voiture, son appartement, tout perdu. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous arrive en ce moment, et ce qui va arriver dans les années à venir. Et là, il y a quand même un traitement dessus. Non. Il n'y a rien du tout. Donc il n'y a rien du tout. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a comme seule solution ? Hein, la seule solution, c'est que les gens se sortent de leur environnement. Hein, donc parfois, je dis aux gens, il faut vous sortir de votre environnement. Est-ce que vous avez de la famille, quelque chose qui peut vous accueillir pas forcément très loin d'ici, mais pour changer complètement. Parce que les structures de soins ne sont pas adaptées à ça. Les structures de soins, en fait, qui peut hospitaliser de manière rapide pour proposer un environnement un petit peu, pas forcément fermé, mais un petit peu quand même protégé de l'extérieur, il n'y a que l'hôpital psychiatrique. Hein, et se retrouver en hôpital psychiatrique, hélas, il y a des consommateurs de cocaïne qui, au bout d'un moment, dans leur tête, ça tourne plus rond, ils deviennent paranoïaques, ils pensent que toujours quelqu'un leur en veut, quelqu'un leur donne des produits. Et il peut y avoir de la violence, tout à fait. Hein, donc, sous l'emprise, au départ, là, l'image de la cocaïne, c'est en fait les Américains, les jeunes Américains qui voulaient faire un braquage, ils consommaient de la cocaïne pour dépasser leur timidité, etc. Hein. Et du coup, être plus violent qu'ils n'étaient en réalité. Donc c'était effectivement un facteur de violence, tout à fait. Donc ce qui veut dire que quand on les sort de leur environnement, qu'ils vont dans la famille, il faut que la famille soit prête quand même à voir la personne faire des crises. Alors, ce n'est pas tout à fait des crises, mais bon, après, c'est assez compliqué parce qu'en fait, donc effectivement, ce qu'on appelle la descente de la cocaïne provoque un mal-être, dépression profonde. Hein. Et du coup, ces épisodes dépressifs peuvent apparaître dans les jours, parfois dans les mois qui suivent finalement l'arrêt de la consommation. Oui. Et c'est ça qui est difficile, parce que effectivement, ça crée des incompréhensions. C'est pas vraiment. Quand la consommation a un peu duré, quelque part, il peut en rester des traces toute la vie. J'ai des gens qui sont arrivés après une consommation de cocaïne de quelques années, qui sont arrivés à justement ces délires paranoïaques qu'on peut assimiler à une maladie psychiatrique qui après quelque part vont jamais complètement disparaître, vont pouvoir réapparaître à certains moments en fonction d'un certain nombre d'événements, peut-être de la vie quotidienne, mais peut-être pas, peut-être simplement comme ça. Donc, et ça, c'est ce qui va nous arriver, et ça, c'est terrible pour nos jeunes, parce que, effectivement, c'est une atteinte à la vie, Tout ça pour quelques instants au départ de recherche. Quand on a des petits-enfants et qu'on les pousse à se dépasser, alors qu'on leur fait découvrir des sensations qui ne sont peut-être pas de leur âge, qu'on devrait réserver aux adultes, etc., quelque part, on prépare ça. Et notre société, elle est complètement dans ce sens-là, où finalement, il faut donner le maximum, il faut gommer sa timidité, il faut gommer les freins qu'on peut se mettre dans la vie, etc. C'est quand même donc une image qu'on transmet à nos gens plus jeunes, plus fragiles. Dans certains pays, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, à la dernière émission, dans certains pays, il y a une éducation à ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est la compétence psychosociale, c'est la capacité à dire non. Donc, au Canada, il y a des programmes en maternelle pour dire non par rapport aux violences sexuelles. C'est-à-dire, jusqu'où je peux me laisser toucher par quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas. Donc ça, je dois dire non quand on me fait ça. Je dois pas autoriser. Donc, dès la maternelle. Dans des pays voisins comme la Belgique, la Suisse, il y a des programmes d'éducation qui visent à développer les compétences psychosociales. C'est-à-dire que mon petit copain, il décide qu'on va faire quelque chose et moi, je ne suis pas d'accord. Mais je vais le faire quand même parce que c'est mon copain. Je dois apprendre à dire non. Je dois apprendre à dire non, je dois apprendre à faire des choix et je dois apprendre à assumer mes choix. J'ai connu une copine en maternelle, elle avait une classe de maternelle, c'était une institutrice, et à la maternelle, des enfants de... Elle avait les moyennes sections, grandes sections, je ne sais plus trop. Elle leur faisait, à l'époque, on avait droit au goûter à la maternelle, maintenant on n'y a même plus droit. Les enfants arrivaient à l'école et ils choisissaient quel allait être leur goûter, leur parfum, yaourt, etc. Et quand ils avaient le goûter, ils devaient assumer leur choix. S'ils voulaient le même que leurs copains, ils avaient choisi. Donc c'était une manière de les éduquer au choix, à la responsabilité. Parce que en fait, le souci, c'est souvent ça. Il y a une énorme variété dans les gens qui sont concernés par l'addictologie. Tous les milieux sociaux sont touchés. Ce qui est transmis par la famille, les valeurs, ces capacités psychosociales. Et puis, il y a l'environnement qu'on crée aux enfants, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même clair qu'un enfant à qui on fait faire du sport, de la musique, qui est occupé, à qui on donne des sujets d'intérêt, à qui on donne un tissu social, des relations sociales, on met plus de chances de son côté que quelqu'un à qui on ne transmet pas de valeurs sociales.

letters to me. C'est une chanson mythique de Queen. Je rappelle que nous sommes en compagnie du docteur Jean-Joseph Maglia, addictologue à l'établissement hospitalier d'Épinal d'Urkheim. Voilà, et que véritablement, ce qu'il nous dit est très, très intéressant et nous fait comprendre le mécanisme qui peut faire que, ben, on sombre. Ensemble, on perd sa liberté par rapport à certains produits dont certains sont en vente libre sur le marché, vous soulignez. Voilà, bon, donc on parlait des droits de l'homme, le droit de l'homme, la liberté, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Normalement, cette liberté, elle est là pour développer notre potentiel. Hein, tout à fait. Donc, sans forcément perdre une liberté physique, eh bien, la consommation de produits fait qu'on ne va pas développer sa vie, en fait. On va perdre des choses. Et d'ailleurs, le terme d'addictologie, qui fait référence à la dépendance, pour nous, un comportement devient problématique quand il devient envahissant, quand il empêche de faire d'autres choses. Donc, c'est la perte de la liberté, dans le même sens d'ailleurs que des femmes qui sont interdites par leur mari de développer leur vie comme elles l'entendent. Voilà, donc je vais terminer un petit peu sur les consommations de produits. Le temps passe vite, il nous reste plus qu'un quart d'heure, donc il va falloir faire vite. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Donc, j'étais en train de parler de la cocaïne et du crack qui se développe, qui est donc l'épidémie qui va arriver, hein, et qui va poser donc de plus en plus de problèmes, en particulier avec parfois la nécessité de se mettre à l'écart de son environnement et parfois même en milieu psychiatrique et que du coup les structures actuelles de soins ne sont plus adaptées à cette situation. Parfois c'est même la prison qui vient mettre fin à quelque chose qui n'arrivait pas à s'arrêter. Hein. J'ai connu des jeunes femmes qui auraient presque pu mourir de faim, hein, parce qu'en fait, quand on est sous l'emprise de cocaïne, on ne ressent plus la sensation de faim. Hein. Donc elles allaient même se laisser mourir, en fait, à force de consommer. Et c'est la prison qui a réussi à dire stop, là où rien n'avait réussi à les stopper. Hein. Donc, sur cette consommation de cocaïne, il y a un livre que j'ai lu qui me paraît tout à fait illustrer les choses, hein, avec l'histoire d'une jeune fille qui veut faire sa vie, monte à Paris et puis se retrouve confrontée à des consommations occasionnelles de cocaïne qui ne posent aucun problème pour elle, hein, qui sont tout à fait normales entre guillemets, parce que dans une soirée c'est normal de prendre de l'alcool, c'est normal de prendre des produits, hein, et qui finalement... Donc se rend compte à un moment donné qu'elle peut plus s'en passer et en fait part chez ses parents, retourne chez ses parents et il y a effectivement un petit peu toutes ces difficultés relationnelles avec les parents, tout ça. C'est un livre qui s'appelle C, le C comme cocaïne, hein, c'est la face noire de la blanche. C'est assez, voilà, le titre est assez évocateur, on trouve ça pas cher, c'est un petit livre de poche, on trouve ça un livre de poche, voilà. Et ça raconte très bien, en fait, le parcours des consommateurs de cocaïne et cette image de la cocaïne qui est une fausse image, un faux ami. Voilà, donc du coup, on va passer un petit peu à d'autres produits. Hein, d'autres produits, ben, un produit qui fait l'actualité, vous savez, c'est le gaz qu'on trouve dans les cartouches, dans les supermarchés, hein, et qui... un gaz hilarant. Oui. On les trouve dans les trucs de... Comment ça s'appelle ? La chantilly, par exemple. Chantilly. Hein, voilà, hein, ça coûte rien. Mmh. Hein, donc après, les gens mettent ça dans la vie de la cartouche, dans un ballon, et respirent. Voilà, c'est le gaz hilarant. Hein. Alors les jeunes, j'aime ça, hein, c'est pas cher en plus, oui c'est ça, et puis mais ma foi ça pose des problèmes, alors non seulement par le fait d'en consommer beaucoup et finalement ne rien faire dans sa vie, hein, ne pas faire d'autres choses plus intéressantes, hein, ne pas aller vers les autres, enfin etc, s'enfermer dans des relations toxiques avec d'autres qui ont le même délire, mais c'est que ça pose aussi des problèmes pour la santé, c'est-à-dire que ça pose, donc il peut y avoir des conséquences neurologiques, hein, donc du coup des paralysies, hein, et j'ai connu il y a quelques temps une jeune dame du secteur de Remiremont d'ailleurs, qui à force de consommer donc ces cartouches de protoxyde d'azote, et ben finalement donc se retrouve en partie paralysé des membres inférieurs, hein, qui va peut-être effectivement être obligé d'avoir recours au fauteuil roulant si sa reconstruction nerveuse ne se fait pas, reconstruction nerveuse, et ben quand un nerf est abîmé, il doit repousser, hein, donc c'est déjà très long, parce qu'en fait il repousse, alors je crois que c'est 1 mm tous les 4 jours ou je sais plus, donc quand c'est une atteinte dans la moelle épinière et que ça doit aller jusqu'aux orteils, ça prend du temps, ah, hein, et en plus donc n'importe quel obstacle qui a pu se mettre sur le trajet du nerf fait qu'il va arrêter sa repousse et tout ce qui est en dessous va rester paralysé. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas garanti, loin de là. Hein. Donc du coup, voilà, donc ça c'est, on en a parlé récemment dans les actualités, tout ça. Voilà, après quand on parle des choses dans les actualités, en général on ne fait pas forcément le tour de la question parce qu'on en parle rapidement, c'est un sujet qui dure quelques minutes. Oui, voilà. Puis je crois qu'on a plus en tête les moments un petit peu de délire entre où on respire tout ça pour fait. Parler d'une façon un peu bizarre. C'est et ça. Voilà, hein, on le voit comme ça, ce truc de respirer dans le ballon. Bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la cocaïne. Ouais. La cocaïne, bah, on voit effectivement l'image des vedettes qui prennent de la cocaïne avant d'entrer en scène pour se libérer, pour pouvoir paraître autrement. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière oui, ça oui, c'est hein. fou parce donc, que en ça, fait, on... voilà, il faut s'assumer. Donc, comme on est, avec les choses qui sont les attitudes qui sont les nôtres, si on veut faire un travail, il faut faire un travail sur soi et non pas utiliser un produit qui, de toute façon, ne fera pas... ou alors, effectivement, il y a peut-être des produits qui peuvent être pris, mais de manière temporaire, sous un contrôle médical, enfin, etc. Hein, parfois, peut-être qu'il faut passer par là, mais bon, voilà. Donc, et puis, il y a un produit qui est quand même très banalisé, c'est le cannabis. Hein. Donc, le cannabis, effectivement, il y a 30, 40 ans, on savait très bien qu'il y avait des dealers de cannabis dans la sortie des collèges et des lycées. Alors, est-ce qu'à l'époque, le choix de la société, il était, est-ce qu'on laisse faire ou pas, hein. Donc, alors, il y avait des parents qui sonnaient l'alarme, des autres qui étaient plutôt, et puis derrière ça, finalement, l'État, il n'a pas mis les moyens, parce qu'en fait, il suffisait de mettre des gendarmes à la sortie de chaque collège et lycée, hein, puis d'arrêter les dealers, c'était pas compliqué, c'était une décision, hein, on risquait d'effrayer les enfants, je ne sais pas, il y a des tas de raisons qui ont fait qu'on a laissé faire, hein. On a laissé faire de la même manière qu'on a laissé faire dans certains quartiers se développer une culture autour du trafic de cannabis, hein, donc avec des zones de non-droit. Hein, voilà, donc après, pourquoi on a laissé ça se mettre en place pour acheter la paix publique, mais on paye derrière l'addition. Hein. Alors l'addition, c'est quoi? C'est finalement pour des consommateurs de cannabis qui parfois ont consommé de cannabis. Alors nous, on voit des gens qui arrivent avec effectivement l'hôpital, des AVC, etc. Enfin, les conséquences du tabac. Hein. un joint de cannabis sur la santé, c'est l'équivalent de entre 5 et 10 cigarettes. Donc quand on fume un joint, c'est comme si on fume, pour la santé, c'est comme si on fumait entre 5 et 10 cigarettes d'un coup. Hein. D'accord. Le pire, c'est les bangs, hein. Donc les gens qui mettent le cannabis et puis le respirent, c'est comme s'ils fumaient, eux, un paquet de cigarettes d'un coup, en fait. Hein. Donc du coup, et ça, c'est souvent c'est des pratiques des adolescents. Hein. On peut imaginer... Est-ce qu'il y a une mise en garde par rapport à ça ? Le problème du cannabis, c'est ça. C'est que tant que c'est un produit illégal, eh bien, on ne peut pas en parler, puisque c'est illégal. Hein? Oui. On peut faire des campagnes de prévention sur le tabac, sur l'alcool, puisque c'est légal. Donc, sur l'alcool, on a des messages. Hein? Alors, encore, ils ne sont pas forcément si clairs que ça. Mais bon, voilà. Sur le cannabis, il n'y a pas de message de prévention, puisque c'est illégal. Le seul message, c'est il ne faut pas en consommer, point final. Hein? Donc, il ne faut pas en consommer. On ne peut pas dire à quel moment ça devient problématique. Il n'y a pas d'information sur les effets désastreux. Alors, le cannabis, donc, du coup, effectivement, on peut consommer du cannabis, par rapport à la santé. Hein, je me place pas sur le plan de la justice, hein, mais donc sur le plan de la santé, une consommation de cannabis, ça va être l'équivalent d'une consommation d'alcool dans une soirée, etc. Hein, on va pas... Je veux dire, les parents qui connaissent pas et qui disent à leurs enfants « t'as fumé du cannabis, t'es un drogué, tu vas devenir dépendant », c'est un discours complètement inadapté. Hein. Les parents, souvent, ont une culture de l'alcool, ils savent qu'est-ce que c'est l'alcool, ils connaissent. Par contre, ils connaissent pas du tout le cannabis. Donc, ils ont un discours complètement inadapté vis-à-vis de leurs enfants. Leurs enfants savent très bien qu'ils peuvent fumer du cannabis et qu'ils sont pas accros au cannabis. Hein. Donc, après... il y a des gens qui s'enferment dans la consommation de cannabis, hein, finalement, qui en consomment tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça n'a rien à voir avec une consommation de temps en temps, hein. C'est comme effectivement quelqu'un qui boit l'apéro de temps en temps ou quelqu'un qui boit l'apéro tous les jours, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc parfois le cannabis est là pour masquer des situations difficiles, hein. Donc les gens qui ont vécu quand des gens font la démarche vis-à-vis de leur consommation de cannabis, parfois poussés par la justice d'ailleurs, eh bien derrière on découvre des traumatismes de l'enfance, des histoires terribles de viols, de violences, etc. Parce que les gens utilisent les produits pour réussir à vivre avec. Vivre entre guillemets, parce que c'est toujours une vie relative. Hein. Donc, en tout cas, moi, j'ai des patients qui, plus trop maintenant, mais il y a quelques années, j'avais des patients qui arrivaient à ma consultation, dépendants de l'héroïne. Ils avaient une quarantaine d'années, et ils disaient tous la même chose. Hein, un peu, c'est-à-dire, j'ai commencé à consommer du cannabis... vers 13 ans, parfois plus jeune. Le cannabis m'a flingué toutes mes études. Et puis derrière, je suis passé à l'héroïne et l'héroïne m'a supprimé 10 ans de ma vie. Quoi. Voilà. C'était globalement le discours qu'ils avaient. Hein. Donc voilà, après le cannabis, effectivement, on peut utiliser le cannabis de manière limitée ou on peut se laisser envahir par le cannabis. Hein. Et sur les effets sur la santé, on a parlé un petit peu des effets qui sont un peu analogues au tabac puisque c'est le cannabis est fumé, donc du coup c'est le problème des dérivés cancérigènes de tout ce qui est fumé, tout à fait. Donc les goudrons, etc. Après, les effets propres du cannabis, on pense que pendant la grossesse, on en parlait lors de la dernière émission, donc pendant la grossesse, les molécules du cannabis, les molécules actives, posent un problème sur la migration des neurones. Donc on pense que pendant la grossesse, l'absorption de cannabis fait que le bébé peut avoir des défauts dans la migration des neurones et donc parfois amener à des enfants qui peuvent avoir des comportements hyperactifs ou des soucis un petit peu sur l'adaptation sociale et la gestion des émotions, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour des produits. Je ne sais pas trop combien de temps il nous reste. Combien de temps il nous reste ? 10 minutes. 10 minutes, voilà, parce que Marion, qu'on salue, Qu'on salue. Merci Marion. Donc je voudrais prendre ce temps qui nous reste, parce que à chaque fois on est pris un peu par le temps. La dernière fois on a à peine pu parler des structures d'accompagnement, hein. Donc l'accompagnement, il y a longtemps, des gens ont dit, on a quand même beaucoup de problèmes d'alcool. Les gens, parfois ils viennent à l'hôpital ou etc. On les soigne, mais quand ils ressortent de l'hôpital, ils recommencent. Hein. Donc, du coup, il faut les accompagner. Hein. Donc, les accompagner, à une époque, c'était... on n'osait pas trop parler d'alcool, hein, donc on parlait de chat à l'époque. C'était centre d'hygiène alimentaire. Donc, il y a, 30 ans, 40 ans, donc il y a eu des chats qui ont été créés. Hein, et puis après, c'est devenu les CCA, centre de cure ambulatoire en alcoolologie. Hein. Et puis maintenant, il y a des CCA qui s'étaient développés pour accompagner les gens qui avaient des problèmes avec l'alcool. Et puis, en parallèle... C'était des structures associatives ? Parfois, il y avait différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, c'était des structures associatives. Il y a d'autres endroits, donc des structures hospitalières, d'autres endroits, etc. Enfin, il y a tout un tas de formes. Hein. En parallèle de ça, il y avait des associations d'entraide, donc on appelait autrefois les mouvements d'anciens buveurs, hein, donc ce qu'on appelle maintenant les associations d'entraide. Donc alors on connaît les alcooliques anonymes, mais il y a eu tout un tas d'associations, parfois spécifiques, comme par exemple au sein de la Poste, il y a eu une association qui a été créée. Parce qu'on savait qu'à la Poste, les facteurs d'une époque, quand ils faisaient leur tournée, ils consommaient de l'alcool un peu partout. Hein. Et donc, il y avait des postiers qui se retrouvaient face... au sein, par exemple, de l'EDF, il y a eu aussi... Hein, donc, dans les grandes entreprises, il y avait des associations d'entraide par des gens qui avaient vécu les choses. Hein, et qui... Qui décrivaient cette situation qu'ils avaient vécue comme un enfer. Et qui voulaient transmettre leur expérience et qui savaient que, quelqu'un a un problème avec l'alcool... se retrouve devant le fait d'avoir envie de s'alcooliser, l'alternative, c'est d'appeler quelqu'un pour réussir à détourner l'attention du cerveau et passer à autre chose, hein, et puis aller dans une autre direction. Hein. Donc, quand c'est la journée, quand c'est en semaine, on peut appeler des structures de soins. Hein. Donc, on voit, par exemple, des gens qui sont en difficulté psychologique peuvent appeler le centre médico-psychologique, le CMP. Hein. Donc, le centre médico-psychologique, c'est des antennes de Ravenel, si vous voulez. Hein. Donc, et ça, il y en a partout. Donc, il y en a une à Remiremont. Il y en a une à Gérardmer. Alors après, eux, ils sont disponibles en journée et les jours de semaine. Hein. Après, il y a des numéros nationaux. Hein. Les numéros nationaux, c'est le alcool infoservice, drogue infoservice. Des numéros qu'on peut appeler au niveau national. Ça permet de discuter, d'évacuer un moment pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Et puis, donc, il y a des associations d'entraide locale. Hein. Donc, on a parlé des alcooliques anonymes, mais il y en a d'autres. Sur Remiremont, je ne connais pas très, trop bien. En tout cas, ce qui était avant les CCA, donc qui s'occupaient de l'alcool, à une époque, se sont mis en place les CCST, centres de soins. CSST, centre de soins spécialisés aux toxicomanes. Hein. Donc, en tout cas, à un moment donné, les CSST et les CCAA. Il y a 10-15 ans, l'État a dit la plupart des toxicomanes qui arrêtent l'héroïne, il y en a beaucoup qui tombent dans l'alcool. Des gens qui ont des problèmes d'alcool, parfois, ils consomment du cannabis, etc. Donc, tout ça, ça va ensemble. Hein. Donc, on va rassembler tout ce monde-là dans ce qu'on appelle les XAPA. Alors, les XAPA, c'est CSAPA, ça veut dire centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ça, c'est la structure qui est du secteur qu'on appelle médico-social, qui est là pour aider les gens qui ont des soucis par rapport à des problèmes d'addiction en général. Donc l'addiction en général, je disais tout à l'heure, c'est quelque part un comportement qui devient envahissant. Donc on n'a pas trop parlé des addictions aux jeux, la dépendance aux écrans, enfin, etc. Dès qu'on a un comportement envahissant, eh bien, on peut faire appel au XAPA pour essayer d'avoir un accompagnement pour se libérer et retrouver sa capacité à avoir une vie large et équilibrée. Donc les XAPA, donc il y en a un à Remiremont, qui est rue Thiers. Après, il y a un maillage territorial de toute la France sur les XAPA, c'est-à-dire que vous tapez sur Internet XAPA, C-S-A-P-A, Remiremont, et vous avez l'adresse. Donc c'est rue Thiers. Le XAPA fait aussi des permanences. Alors il y a deux XAPA, un qui s'occupe plus d'alcool, l'autre qui s'occupe plus de toxicomanes, mais ils travaillent ensemble. Et il y a des permanences dans toute la vallée, par exemple de la Moselle et de la Moselotte, pour ce qui concerne le XAPA alcool. Oui, on arrive au terme de cette émission, malheureusement. Et donc Christiane veut, justement en lien avec ces XAPA, certainement, annoncer donc des conférences qui vont être organisées par la Ligue des droits de l'homme et auxquelles, bien sûr, RGM participera pleinement. Oui, oui. Et puis peut-être alors, d'autres associations, puisqu'on lancera. Je pense que tu vas lancer un appel. Voilà. Alors, la première conférence, on attend la réponse d'une psychologue. Autrement, elle sera faite le 23 septembre avec le docteur Tisserand, Jean Tisserand. Elle concernera alcool, tabac et grossesse. Trois petits points, grossesse. Et la deuxième, donc, devrait être faite par le docteur Jean-François Maglia. Pas forcément moi tout seul. Enfin, l'idée, elle est quand même d'essayer de voir avec les gens qui travaillent sur le secteur pour qu'ils puissent se présenter. Oui, donc c'est vraiment des conférences qui vont traiter de ce sujet vraiment très intéressant. Merci pour tout ce que vous venez de nous donner, de nous apprendre. Et c'est vrai que c'est avec plaisir que la Ligue des droits de l'homme vous recevra. Donc, la deuxième devrait avoir lieu le 21 octobre. Alors, toujours au Centre culturel Gilbert Zog. Et toujours de 20h à 22h, 22h30. Voilà. Vous serez tous les bienvenus, bien entendu. Notez sur vos agendas, parce que ce sera quelque chose quand même de super intéressant, comme ce qui vient de se passer là pendant une heure. Un grand merci à Jean-Joseph Maglia, que nous avons retrouvé aujourd'hui et qui nous a passionnés, et puis surtout mis en garde aussi. Ah oui, sur notre rôle social. Tout à fait. Et puis à Christiane, bien entendu, à la Ligue des droits de l'homme, qui patronne en quelque sorte cette émission du premier mardi du mois sur le 107 RGM. Merci à tous. Merci de votre écoute pour les auditeurs. Merci à Marion. Et puis, merci Marion. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à très bientôt.